Lecture d'un article paru sur le blog Mediapart de Double Absence et qui s'intitule « Un pognon de dingue, transparence, enfarinage et indécence municipale à Nantes ». Deux jours après l'attentat abject, le lundi 8 septembre, Ouest France publiait un article sur l'action municipale en faveur des personnes en exil à Nantes, en arborant un titre sans équivoque. Migrants à Nantes, la facture s'élève à 4 millions d'euros. Après un week-end difficile pour la mairesse, l'heure était à la transparence et à l'argumentation comptable pour défendre la politique d'accueil des étrangers dans la cité des Ducs. La tête encore enfarinée, l'édile fait la démonstration d'une politique volontariste de la ville de Nantes en matière d'accueil des personnes en exil. Une démonstration comptable qui intervient après l'expulsion de l'ancienne EHPAD et la fermeture du jardin des Fonderies, dont le but, tout aussi volontariste, est d'éliminer la présence d'indésirables sur l'espace urbain. Cette logique méritait bien quelques grammes de farine. Pourtant, perçu comme un acte de violence ignoble, de nombreuses personnes ont commenté avec hargne leur rejet d'une telle action. Voici le cynisme de notre époque. Alors qu'un cycle de répression s'étend partout en Europe contre les mouvements solidaires avec les exilés, les sanglots les plus audibles sont ceux qui dénoncent un enfarinage. Voici comment les pouvoirs locaux reconfigurent les mouvements sociaux et arrivent à nous laisser penser que des personnes ayant participé aux mouvements solidaires sont plus violentes que celles qui chassent les vies nues de nos espaces urbains au loin des regards. Cet article souhaite mettre en avant le véritable enfarinage qui est de laisser penser que la politique municipale est à la hauteur des défis des villes face à l'urgence de la question migratoire et que cette politique doit se penser comme une opération comptable. Crise migratoire pour taire les égarements des politiques d'hostilité. Le premier écran de fumée qui peine à se dissiper est la thématique d'une crise des migrants et migrantes. Ce thème est un poncif largement utilisé par les politiques publiques afin d'insinuer que nous connaîtrions aujourd'hui un afflux hors norme de personnes en exil et que cet afflux submergerait les villes. Parler de crise de migrants et migrantes, outre la tentation bien connue aujourd'hui de gouverner par la crise, détourne la question politique des mobilités internationales pour une question gestionnaire d'une urgence construite. Si les chiffres de l'asile, OFPRA et Eurostat, montrent bien une augmentation des demandes d'asile en 2015, 60 000 demandes, soit une augmentation de 24%, il faut comprendre que ce niveau demeure proche, voire inférieur, du nombre de demandes enregistrées dans le début des années 90. De même, si nous restons sur une logique du chiffre, en comparaison avec les flux démographique de touristes, le nombre de personnes en exil semble bien ridicule compte tenu des 83 millions de personnes venues en France en 2016. La vague submersive semble bien plus explicite que la poignée d'hommes, de femmes et d'enfants qui cherchent refuge face à l'accroissement des conflits dans le monde et à la prédation économique dans de nombreux pays du globe. Une situation migratoire qui n'a donc rien d'exceptionnel, sinon l'absence de prise en charge minimale, ayant pour effet d'augmenter le nombre de personnes à la rue et donc fatalement de visibiliser l'occupation d'espaces précaires de la ville par des populations que les politiques publiques catégorisent d'indésirables. Pourtant, cette idée reste largement véhiculée pour justifier les politiques publiques de contrôle, d'encampement et de déportation. Et il fallait bien pour ça qu'apparaissent soutenables des méthodes coloniales de mise à l'écart en Europe, comme pour la crise financière, pour les politiques d'austérité et la crise terroriste, pour la suspension des libertés publiques, habile. Il n'est d'ailleurs jamais inutile de rappeler que la politique européenne d'externalisation des frontières, notamment avec le traité Union européenne-Turquie puis Union européenne-Libye, a permis une baisse de 5% du nombre d'entrées sur le territoire européen. L'autoritarisme de l'un et les pratiques esclavagistes de l'autre n'émeuvent évidemment pas nos élus, qui promeuvent cette externalisation pour nous protéger d'une crise qui n'existe pas. Et à quel prix? Les politiques d'encampement, de militarisation des contrôles frontaliers et de développement du laisser-mourir aux frontières démontrent bien que le pic du nombre d'arrivées de 2015, environ 1 million, a été rapidement contenu par la mise en œuvre de ces politiques sécuritaires inédites depuis la Seconde Guerre mondiale. Cette soi-disant vague a donc été maîtrisée en toute conscience des effets humains et du nombre de morts qui en découlent. Enfin, cette question est évidemment à mettre en lien avec la situation de détresse sociale dans laquelle survivent les exilés aujourd'hui en France. Alors qu'elle n'accueille qu'une infime partie du nombre de personnes en exil en Europe, 66 000 en 2016, soit 2 fois moins que l'Italie, 122 960, et 11 fois moins que l'Allemagne, 745 150. L'extrême précarité imposée aux personnes en exil en France génère une occupation manifeste de l'espace urbain et le développement de disettes et de nombreuses problématiques sanitaires d'un autre âge. Méfions-nous toujours de gens et gens qui nous parlent de crise migratoire quand la véritable crise est une crise politique, une crise provoquée par l'emprise gestionnaire sur les corps qui passent les frontières et que les dispositifs juridico-administratifs catégorisent comme indésirables. Demander l'asile sans refuge et les logiques de filtrage des dispositifs d'accueil des demandeurs d'asile. Cette prétendue crise a pour effet de naturaliser, ou pour le dire autrement, de rendre exogène, les raisons des situations dramatiques que vivent les populations en exil dans les villes européennes. Or, il est essentiel de prendre en compte 2 éléments structurants des politiques publiques de contrôle des frontières qui produisent ces mécanismes d'exclusion et d'orientation sécuritaire. Tout d'abord, la question de l'accueil des personnes extra-européennes est aujourd'hui uniquement envisagée à partir du cadre de l'asile. Lorsque des personnes majoritairement issues des anciens territoires coloniaux empruntent les mêmes routes internationales que par le passé entre la métropole et la colonie, elles ne peuvent espérer séjourner qu'à travers la logique de l'asile. Outre évidemment l'inadaptation de la Convention de Genève pour les situations contemporaines, cette logique en dit long sur les relations actuelles qu'entretiennent les nations européennes avec leurs anciennes colonies. Ainsi, la présence de Camerounais et Camerounaises, de Pakistan et Pakistanaises, d'Afghans et d'Afghanes en Europe n'est tolérée qu'enrôlée dans la posture de l'indigent, celui ou celle qui se soumet aux règles de la procédure d'asile et qui devient par le fait apatride, superflu. Pour le dire schématiquement, la présence d'une personne venue d'un pays africain ou d'une ancienne colonie n'est envisagée qu'à travers son droit au séjour. Dans ces conditions, nous apercevons alors sans mal qu'un continuum dans la hiérarchisation sociale propre au monde colonial. Une catégorisation qui fait qu'une personne venue d'un des pays d'Afrique, notamment, restera toujours attachée aux représentations véhiculées par les impensés coloniaux qui structurent encore notre monde social. Un exemple récent et particulièrement marquant, celui de l'enseignant-chercheur en droit de l'université de Dakar, Karamoko Kaluga Demba, qui s'est retrouvé en camp de rétention à Roissy, alors qu'il présentait des papiers en règle, visa, au moins 3 500 € sur son compte bancaire et des billets aller-retour. Pourtant, malgré l'apparente légalité de sa démarche, il demeure aux yeux des forces de l'ordre, et donc a fortiori des institutions qui soutiennent sans mesure la police, un étranger. Pas forcément d'ailleurs un Sénégalais en particulier, mais davantage un migrant, un Africain, une identité globale, biopolitique, qui dépasse son propre corps, sa propre expérience sociale. Cette assignation identitaire est ici cumulée avec le mépris habituel que les Européennes entretiennent avec le savoir non européen, et particulièrement celui qui pourrait se réclamer aujourd'hui d'une pensée africaine. Une personne noire qui se dit chercheuse est alors considérée de manière forcément suspecte, tout comme une personne racisée en France ne peut porter un discours sur des questions de société qui le toucherait directement, sans être pointé comme un ou une fiefée communautariste. Les dénonciations du blackface, Médine au Bataclan, Black M à Verdun, etc. Ensuite, le deuxième aspect est lui matériel, à savoir que la question de l'hébergement des demandeurs d'asile dépend de l'enregistrement de la procédure gérée par l'autorité préfectorale. Le processus de demande est aujourd'hui majoritairement délégué à des guichets associatifs, externalisant la demande d'asile et rallongeant à presque 6 mois l'obtention du statut de demandeur d'asile, et non pas l'asile lui-même. Sur l'espace vécu de la migration au cœur des villes, cela se matérialise par l'absence de dispositifs d'accueil inconditionnel des personnes à la rue. Même les autres institutions, notamment les municipalités, qui pourraient évidemment s'imposer comme des acteurs essentiels de l'accueil des étrangers, préfèrent se caler sur les desiderata des préfectures et indexer le droit au logement à la situation administrative. La logique d'accueil inconditionnel est uniquement appliquée par des techniciens de dispersion propres aux évacuations d'espaces de vie informels. La transformation de gymnases en camps humanitaires, avec toutes les limites qui ont déjà été largement documentées, marque bien cette logique de l'urgence choisie. Plutôt que de prendre en compte l'existence de plusieurs dizaines de bâtiments publics et la possibilité de proposer une politique d'accueil inconditionnel assumée, en s'appuyant sur une force associative qui existe déjà, la ville de Nantes, comme Paris avant elle, favorise des cycles de crise du non-accueil. Évacuer plutôt que d'accueillir, mettre à l'abri davantage que héberger. Ceci n'est pas la mise en œuvre d'une solution politique, mais maintenir une situation inepte en scandant des principes d'humanité cosmétique. Le seul modèle valable et opérant connu a été mis en œuvre à Riace par le maire Domenico Luciano, qui est aujourd'hui en prison. Tant que ce modèle ne s'imposera pas à Nantes, il faudra du CRAN. Le CRAN étant le collectif pour les réquisitions et le comité de réquisition et d'action nantais. Il y a un lien sur le texte pour aller voir ces actions. Déni et violence institutionnelle à Nantes et ailleurs. C'est dans cette perspective que se montent et se démontent depuis près de 10 ans des habitats informels, des autocampements, des squats, des bidonvilles, qui émergent comme une esquive à une politique gestionnaire dysfonctionnelle. L'attente et la précarité qu'elle orchestre entraînent une occupation des espaces urbains, espaces autres, hors lieu, que la nécessité détourne de l'usage ordinaire. Sous les métros aériens, sur les landes ou dans les squares, les indésirables attendent le traitement de leur dossier aux marges de la ville ordinaire. Alors qu'une politique de bon sens chercherait la cause première de cette urgence, Le mythe de la crise des migrants et migrantes légitime le recours à l'expulsion et aux dispositifs de prévention situationnelle. Cette théorie criminologique est au cœur de nombreuses logiques de contrôle des populations par l'espace employé par la ville et largement usité avec les nombreuses caméras de surveillance sur l'espace public. Une dynamique pensée comme une prévention d'un passage à l'acte, d'un délit qui trouverait son origine non pas dans des causes structurelles, mais comme le fruit d'une occasion favorable. Comme si l'autre, l'étranger, le migrant, pouvait être soluble dans l'expulsion. Ne pouvant détruire les corps, les institutions les évacuent, les harcèlent, les dispersent. Alors ces outils privilégiés en disent long sur le déni institutionnel que portent les municipalités et les acteurs publics. Déni qui tend à minimiser les raisons premières de la situation migratoire des villes. Crise des politiques gestionnaires, relations coloniales à l'altérité extra-européenne. Pour se complaire dans une logique sécuritaire, que la crise mythifiée légitime. Car c'est bien la logique de filtrage des demandes d'asile et des hébergements qui provoque l'occupation de l'espace précaire de la ville. Depuis 2 semaines, les pouvoirs publics se lancent dans la traque des habitants précaires et des militants solidaires. En Belgique, des hébergeurs solidaires sont interpellés et inquiétés par la justice. En Italie, le maire iconique de Riace est arrêté. En mer, l'Aquarius est privé de ports d'accueil et de pavillons. En France, le conseil départemental du Vaucluse traduit en justice une militante de RESF qui a inscrit des jeunes exilés de la rue à l'école. Et partout se multiplient des expulsions d'habitats informels. À Nantes, l'ancien EHPAD est expulsé et avec à la clé des interpellations et une mise en camp de rétention administratif. Les squats ouverts s'expulsent à tour de bras avec des interpellations presque systématiques et l'intervention conjointe de la police aux frontières. Des militants et militantes sont également inquiétés et connaissent une répression sans précédent. C'est dans ce contexte que la mairie de Nantes vient nous présenter la facture de son action politique. Une indécence sans nom. À Nantes, ce sont des résidents et résidentes qui développent des solutions d'urgence en réponse aux politiques publiques d'hostilité. L'autre cantine propose depuis le début de l'été un nombre de repas gigantesques tous les jours pour des personnes à la rue. Des collectifs d'hébergeurs parviennent à offrir le temps d'un répit, un toit et un peu de stabilité à des centaines de personnes qui se retrouvent à la rue. Des associations, des écoles populaires œuvrent pour donner un accès à l'école, ou du moins pour partager du savoir et un accès aux loisirs pour des jeunes laissés de côté. Face au maillage sécuritaire de cette hostilité publique, les logiques d'hospitalité militante permettent de limiter la situation dramatique qui se trame actuellement. Et pourtant, Johanna Roland, qui se veut transparente, présente sa facture. Le prix de 4 ans d'action politique municipale qui démarrerait en mai 2014 avec l'expulsion du Radisson Noir, puis de l'ancien bâtiment des Restos du Cœur situé rue des Stocks, ou encore les expulsions à répétition depuis l'automne 2017. Cette facture est celle du choix politique du PS local, celui de s'aligner sur les logiques préfectorales, plutôt que de décloisonner les questions de statut administratif à celui du droit à un hébergement. Dans cette perspective, quelques grammes de farine sur l'édile semble bien vain face aux effets néfastes de sa politique locale du non-accueil. Français, étrangers, tous nantais? Ce vieil adage de la ville de Nantes est l'étendard de son déni institutionnel qui utilise la raison humanitaire comme façade compassionnelle des logiques répressives. Car s'il existe bien actuellement une véritable urgence, c'est celle de dénoncer les logiques sécuritaires mises en œuvre dans les villes face à la situation des personnes en exil. De sortir du mythe de l'urgence humanitaire, pourtant largement repris, même dans les médias révoltés de gauche, et de construire une véritable force politique locale. L'exil est une lutte. Une lutte qui ne s'amarre pas uniquement à la question de l'asile, mais qui doit trouver son sens dans une réflexion plus générale de la construction d'une altérité repoussoir, une altérité biopolitique héritière d'un passé colonial qui ne passe pas. C'est signé JL pour double absence, et donc ça a été publié sur le blog de Mediapart de ce groupe. Ça a été publié le 13 octobre 2018. Et vous retrouverez, en fait, je vais rajouter en descriptif de cette lecture, je vais rajouter beaucoup d'autres liens, en particulier beaucoup qui mèneront vers Indie Media, où il y a eu une sorte de, pas compilation, mais il y a eu différents articles et des commentaires qui complètent les articles. Il y a eu tellement de choses qui sont passées ces dernières semaines et ces derniers jours en particulier que ça devient un peu compliqué de tout suivre. Mais par contre, la politique répressive de Nicole Klein, appuyée avec un sadisme joyeux par la police, la gendarmerie, la PAF, particulièrement la BAC, on l'a bien senti passer ces derniers jours. Par contre, si le but il est de faire cesser les solidarités et de faire cesser, de nous faire peur en fait, alors pour la peur c'est réussi, mais la peur n'ayant jamais empêcher le danger, c'est la solidarité qui va encore une fois de plus prendre le dessus. Ça nous a énormément rassemblés, énormément confortés dans l'idée que ce qu'on fait est important et qu'on va continuer. Tant pis pour les risques de procès, il va falloir désormais toutes et tous s'y faire. On risque effectivement un jour ou l'autre pour absolument pas grand chose, 3 grammes de farine, une phrase énervé, on risque tous et toutes désormais de passer en procès, et tant mieux qu'on continue d'engorger la justice d'ailleurs, soit dit en passant, avec des centaines et des centaines de procédures de personnes chopées à la volée en manif ou sur des actions militantes ou sur de la solidarité et qui arrivent devant la justice avec des dossiers quasiment vides et qui font perdre leur temps à tout le monde. Allez-y, continuez à faire ça, de toute façon nous, on est là et on continue aussi. Voilà. C'était un petit mot personnel à la fin parce que j'étais dedans ces derniers jours de l'application de politiques répressives, soi-disant pour des raisons humanitaires. Parce que c'est vrai que c'est très humanitaire de vider des squats juste avant l'hiver, bien sûr. Merci Johanna Roland et surtout aussi merci Nicole Klein pour ton humanisme bien ferme. L'a bien senti passer.